Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org. On est toujours en compagnie de Cédric Fermont, en direct de Berlin, du label SIRF. On a parlé un petit peu, hein, c'était pas très exhaustif, les premières 30-35 minutes qu'on a passées ensemble, un peu sur ce qui se passe ailleurs de l'Europe, sur les musiques que aussi le Festival Archipel est intéressé. Mais on a très peu écouté de choses. Cédric, tu nous avais envoyé une longue liste de musiques, et malheureusement, on n'a pas assez de temps pour tous les écouter. Peut-être on voudrait te proposer, si tu es d'accord, de prendre ces dernières 20 minutes ensemble pour que tu nous proposes un petit tour d'horizon, des possibles, avec peut-être on ne pourra pas écouter tous les morceaux en entier, mais peut-être des extraits pour avoir au moins un peu une idée de ce que tu nous as un peu annoncé. Voilà, Claire, merci beaucoup. Alors j'aimerais peut-être commencer par Pew Nin Twin, Crazy Hill Society and Ito. C'est un trio de Yangon au Myanmar. C'est un morceau que j'ai sorti sur une compilation qui s'appelle Uchronia, qui est un triple CD qui reprend plein d'artistes d'Asie, donc que ce soit l'Ouest, le Centre, le Sud, le Sud-Est, un peu partout. Et ce morceau, parce que j'aimerais montrer qu'il se passe des choses au Myanmar et pas seulement de l'oppression, de la pauvreté, etc. Il y a des gens également actifs là-bas, malgré la situation vraiment difficile. D'ailleurs, Ito, qui fait les percussions sur ce morceau, est en prison depuis maintenant plus d'un an. Donc voilà, un morceau de 2 minutes. Voilà, bon, on l'écoute en entier si c'est juste 2 minutes. On y va. C'était juste une question technique. Est-ce que tu entends la radio oui. Chez toi? Donc, tu sais quand le morceau termine? Oui, ok. Oui, oui. Ouais, okay. Donc, j'entends. Très bien. Bah, je pense qu'on va te laisser un peu nous faire un peu une sorte de présentation de tout ça librement. Ça marche, oui. Alors, le morceau ça s'appelait Sgr. Je ne sais pas comment prononcer ça. Alors, on peut peut-être passer maintenant sur Nichung, une compositrice chinoise qui vit pour l'instant aux États-Unis. Un morceau qui s'appelle Slow Death. Alors ça vient juste de sortir sur le label également. C'est de la musique électroacoustique, mais qui a un côté très cinématique, un peu film d'horreur comme ça. Ce qu'elle fait, j'aime vraiment beaucoup. C'est un morceau de 3 minutes et c'est tout nouveau. En fait, le CD sera bientôt disponible. En fait, c'est déjà en ligne sur Bandcamp, mais voilà. Alors, je sais pas si vous voulez passer le morceau entier ou un extrait et après on passe à autre chose. Ouais, on va écouter au moins 2 minutes puis on regarde comment ça avance le temps. Ça marche. Oui, Cédric, c'est très bien. Je ne vais pas trop parler, je te laisse donc la parole, quand ça vous qu'il nous reste encore 8 minutes. Je te laisse tout pour toi. Ok. Je vais passer un morceau d'Afrique, puisqu'on n'a rien passé d'Afrique pour l'instant, en fait. Un autre extrait d'une autre compilation que j'ai sorti il y a quelques années. Alternate African Reality, qui est un double CD de musique d'Afrique et de la diaspora, aussi bien de la musique dansante, entre guillemets, comme du hip-hop industriel. Il y a Obobi et Zimon Grab, que vous connaissez probablement, par exemple, ou du Singeli de Tanzanie, mais aussi de la musique improvisée, expérimentale, noise et autres. Alors ici, c'est Ray Sapiens, qui vient du Congo et qui vit en Ouganda, qui a sorti des choses sur Niege Niege Tapes, d'ailleurs. Alors, le morceau s'appelle Votura. C'est un morceau de 3 minutes 38, donc on peut aussi couper si c'est un peu trop long. Ça va? On va l'interrompre ici parce que comme ça, personnellement, je suis très curieux d'avoir. C'est vrai que ce serait bien de les écouter un peu en entier, mais vu le peu de temps qui nous reste, là, c'est en 5 minutes, on va peut-être voir encore deux morceaux. Cédric. Oui, ok. Alors, on peut passer. À la vie centrale, c'est un endroit que peu de gens connaissent. Alors, il se passe des choses en Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. On va passer un morceau de Olga Thanatos. Le morceau s'appelle Last Move. C'est un groupe d'Ouzbékistan, donc un duo d'Electronica principalement. Le morceau est un peu expérimental. Il vient aussi de la compilation Euphonia. À une époque, ils ont été quand même assez actifs. Il y a pas mal de choses sur Bandcamp, en fait. Voilà, Cédric, en discussion avec l'équipe, on s'est dit que peut-être on va prendre les dernières minutes pour parler un peu avec toi sur tes activités, parce que tout ça qu'on vient d'entendre, c'est des morceaux qui sont sur des compilations que tu as produites avec ton label, c'est exact? Oui, alors, bonne partie. Oui, les Sapiens, Olga Thanatos, oui, Nietzsche, c'est un album complet. Sinon, oui, ce qu'on a entendu avant, Noise Anoise, c'est un autre label iranien. Parce que comme activité, pour moi, c'est un... Vas-y. Pardon. Non, comme activité, comme producteur, tu sors des CD exclusivement de musique d'Asie, d'Afrique, et tous les distribuer. Voilà, voilà, oui. Donc, c'est aussi en digital. Il y a un peu l'Amérique latine, comme je disais, et même d'autres choses. Il y a beaucoup de choses libanaises sur mon label parce que j'ai un groupe là-bas et je suis souvent là-bas et je connais bien les gens. Donc, il y a des gens comme Jawad Naofal, par exemple, qui ont sorti pas mal de choses sur mon label. Moonma, en fait, il s'appelle aussi Moonma. Bon, moi, je sors des CD parce que je suis pas un fan de vinyle. Ça coûte super cher, c'est lourd, c'est super lent à livrer. Je veux dire, le moment de commander ça à la presse, ça prend 6 mois, un an et demi. C'est un format pour moi obsolète, même si c'est la mode, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Mais bon, peu importe. Mais c'est aussi en digital parce que je veux que ce soit accessible au plus grand nombre possible, quoi. Et je réalise des compilations parce que j'ai envie de montrer toute la richesse, en fait, de ce qui se passe, de la culture, de la musique en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Il y a tellement de choses qui se passent et que les gens ignorent, mais même là-bas, en fait. Par exemple, sur Alternate African Reality, il y a un compositeur du Sénégal, il y a un compositeur du Soudan du Sud. Et je sais que les gens, quand j'étais en Afrique de l'Est, en Ouganda, au Kenya, les gens étaient surpris qu'il se passe des choses au Sénégal. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, mais il se passe des choses. Et alors, les gens ne savaient pas qu'il y avait des artistes au Soudan du Sud ou au Eswatini, le Swaziland. Même en Afrique du Sud, les gens n'étaient pas au courant qu'il y a des gens là-bas. Mais c'est la même chose avec l'Asie, en fait. Quand j'ai été joué au Myanmar, en fait, il y a pas mal d'années, la plupart de mes amis étaient surpris, en fait, là-bas. Donc, des gens de Singapour, des gens de Chine, quoi que ce soit d'autre, qui me disaient, ah bon, il y a des choses là-bas. Je dis, bah oui, il y a plein de punk, il y a plein de hip-hop, mais il y a aussi de la musique expérimentale, quoi. Et on a joué dans un petit festival expérimental. Et la plupart de ces gens sont toujours actifs, du moins les personnes qui sont restées. Donc, je veux aussi montrer qu'il y a ça. Parce qu'au final, les médias présentent principalement l'aspect négatif de beaucoup de ces pays, en fait. Au Congo, c'est la guerre, mais c'est à Goma surtout la guerre, en fait. C'est pas dans tout la RDC. Au Myanmar, c'est une dictature, je reviens plus sur le mot en français. Une dictature, voilà. Etc., etc. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent. Et donc, moi, je veux montrer aussi ce qui se passe de positif, en fait. Et pour moi, d'intéressant, le fait qu'il y ait de la musique contemporaine, qu'il y ait de la musique expérimentale, ou d'autres choses qui parfois m'intéressent moins, hein, mais qui est du métal ou du punk ou que sais-je d'autre là-bas, est pour moi vraiment important, quelles que soient les raisons pour lesquelles les personnes font ça. Donc, ouais, voilà, je publie ça. Et là, maintenant, avec le label, tu es en train de travailler sur une nouvelle compilation ou qu'est-ce qu'il y a en évolution En fait, il y a deux albums qui sont un peu en retard. Ils sont sur Bandcamp en digital et les CD vont arriver à la fin du mois. Donc, Nichung, dont on a entendu un extrait, et AHA, qui est un compositeur d'Égypte et du Canada. Mais il y a un troisième album qui sort à la fin du mois qui s'appelle Random Records, qui est un groupe basé à Berlin. C'est allemand et rwandais, le chanteur est rwandais. C'est entre jazz et hip-hop et collage, mais avec une dimension très politique sur la colonisation, puisque l'Allemagne a colonisé le Rwanda, puis la Belgique ensuite. Donc, ils travaillent avec des archives, des vinyles. Voilà, ça, ce sont les prochaines sorties. Et après, il y aura d'autres choses, mais plutôt qui autour de moi, en fait, puisque je sors aussi mes disques là. Donc, il y aura un trio avec donc Dora Bleu, qui est une compositrice canadienne et états-unienne. Périclis Toukalas, qui est un compositeur grec, et moi-même. Mais c'était plutôt de l'avant-folk, en fait. Je n'ai jamais fait ça de ma vie auparavant, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, les compilations, je ne sais pas, parce que ça prend tellement de temps et d'énergie. Et pour l'instant, je voyage beaucoup, en fait, et c'est vraiment difficile. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura une autre. Peut-être que je vais me focaliser un peu plus sur des albums pour les sorties qui viennent encore. Il y aura de la musique électroacoustique de moi-même, en fait, plus tard dans l'année, et d'autres choses, mais pour l'instant encore incertaines. En tout cas, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses sur ton site, sirf.com. Donc, pour les gens qui voudraient en savoir plus, vous pouvez visiter le site. Il y a une énorme database de liens qui renvoie aux musiciens, et il y a aussi un journal dans lequel tu publies à travers Bandcamp, constate toutes ces publications. Et aussi, je voudrais peut-être citer ton livre que tu as écrit avec Dimitri de la Faye, Not Your World Music, Noise in Southeast Asia, que je ne sais pas si c'est sold out. En tout cas, je crois qu'ici, dans la librairie de la bibliothèque du festival, il n'y a pas. Donc, on te passera en commande pour l'année prochaine. Non, il est sold out depuis très longtemps, toujours, on peut télécharger le PDF gratuitement. Donc, alors, on va imprimer le livre sur papier. En tout cas, merci beaucoup Cédric. On doit terminer cet échange avec toi. C'était très intéressant. Encore merci beaucoup pour être été avec nous. Merci beaucoup. Et à tout bientôt. Merci à vous également. Oui, super. Merci beaucoup.